الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واكتفوا بأخذ الحلال عن الحرام فإن أكل الحرام واستعماله له عواقب وخيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين أو يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشرف أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له هذا استبعاد من النبي صلى الله عليه وسلم لقبول دعاء لقبول الله سبحانه وتعالى دعاء عبد أكل حراما وشرب حراما واكتسب حراما عياذا بالله فإن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء ويقطع الصلة مع الله سبحانه وتعالى لا سيما عند الشدائد ألا وأعلم عباد الله أن من أشد المحرمات وأخبث المكاسب في الأموال أكل الربا غفل الناس عن خطورة هذا الذنب وشدة قبحه بسبب تقليدهم الأعمى لغيرهم وحبهم للدنيا وجهلهم بما جاء الشرع من الوعيد الشديد والنهي الأكيد الربا حرام من كبائر الذنوب حرمه الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنة مطهرة عليه الصلاة والسلام الربا حرام في شرعنا بل حرام في شرع من قبلنا فما أبيح في شرع مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه عليه الصلاة والسلام وأحل الله البيع وحرم الربا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا كما في البخاري كما عند البخاري رحمه الله تعالى أيها الناس الربا مذهب للخيرات والبركات محل للويلات واللعنة وكل من تعاون على الربا نال قسطا من هذه اللعنة عياذا بالله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتباه وشاهداه، وقالهم سواء، صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فكلهم ملعونون من في رسولنا صلى الله عليه وسلم. فليس بالأمر الهين، بل إن الربا من أشد المحرمات، وجاء تحذيرا منه ما لم يأتي بذنب غير الشرك والكفر، لم يأتي من الوعيد ما جاء في الربا إلا في الشرك والكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بيانا أن مهما عظمت هذه الأموال الخبيثة فإنها لا تنفع صاحبه بل تضره ومن حوله معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه. الربا من أخطر الذنوب التي تهلك صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. الشرك بالله أعظم الذنوب وأخطرها، السحر وهو من الشرك، وأفرده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عمم لخطورته وشدة قبحه: فإن السحرة كفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم، وضعيف حقه الرفق، والتعاون معه وحفظه وإعانته، وأكل الربا فهو من الموبقات أي المهلكات عياذا بالله. ضرر الربا لا ينتهي في الدنيا، بل يتبع أصحابه يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي آكل الربا يوم القيامة مخجلا يجر شقيه. ثم قرأ: مخجلا أي مجنونا، أي مجنونا يجر شقيه. ثم قرأ: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وظهور الربا من علامة الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعيننا على العمل بما تعلمنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. J'affirme Allah subhanahu wa ta'ala et réjouissez-vous de la subsistance licite qu'il nous a accordée, tout en vous détournant de l'illicite. Car certes, le fait de consommer des choses illicites ou bien d'avoir des biens illicites entraîne la personne dans les maux, que ce soit dans ce ballon, dans sa tombe ou dans l'au-delà. Il n'y aura plus de bénédiction dans ses biens. Il n'y aura plus de bénédiction dans sa personne, dans son corps, ni dans ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la personne dont le corps a grandi en consommant des choses illicites, de la nourriture, de la boisson illicite, est plus à même d'être accueilli par le feu. Celui qui mange des choses illicites ou qui a été nourri par des choses illicites, le feu est plus à même de l'accueillir. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction, certes Allah est bon, pur, il n'accepte que ce qui est bon, pur, et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il avait ordonné aux messagers. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite deux versets du Coran, dont la traduction approximative est, ô vous qui, ô vous les messagers, mangez de bonnes choses et faites de bonnes actions. Il dit également, ô vous qui avez cru, mangez les bonnes choses dont nous vous avons accordées et montrez-vous reconnaissant envers Allah si c'est lui que vous adorez. Puis, il nous cite, sallallahu alayhi wa sallam, un homme effectuant un long voyage, les cheveux ébouriffés, le corps poussiéreux, puis il lève ses mains, ô mon Seigneur, c'est-à-dire qu'il fait dua. Il est dans cette difficulté, il est dans un long voyage, il a les cheveux décoiffés, il a le corps rempli de poussière, puis il lève les mains. Donc c'est une cause d'acceptation des du'as, le fait de lever les mains, excepté lors du Jumu'ah, si ce n'est pour la demande de la pluie, et après les prières obligatoires, ceci n'est pas légiféré. Puis il lève les mains et dit, ô mon Seigneur, il invoque Allah Azza wa Jal par son nom. Ceci est également une cause d'acceptation de du'a. Il répète et s'humilie devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci est également une cause d'acceptation de du'a. Mais écoutez la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais, c'est-à-dire malgré toutes ces causes, sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite, c'est-à-dire ce de quoi il mange, il boit, est illicite. Ses vêtements sont illicites, il se nourrit ou a été nourri de l'illicite. Donc soit lui-même avec son argent haram achète des choses, soit depuis son enfance ses parents travaillaient dans le haram, ils lui donnaient à manger du haram, ils mettaient dans son ventre et dans sa bouche du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comment sera-t-il exaucé? Celui qui mange des choses illicites et se vêtit de choses illicites, comment est-ce qu'Allah azza wa jal répondra à ses invocations? Donc le fait de faire du commerce dans l'illicite ou de manger des choses illicites ou d'en boire et de s'en vêtir est une cause pour briser la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ne répondra pas à tes invocations, même lors de la difficulté. Et sachez que parmi les choses illicites dans le commerce, ou bien dans les transactions plus précisément, il y a riba, l'usure. Il y a riba, et la forme la plus connue de nos jours sont les prêts avec intérêt. Parmi les formes les plus connues de riba, al-qard bi-ziyada, le prêt avec intérêt. Ce que font les banques, ce que font ceux qui empruntent pour acheter une maison, pour ouvrir un commerce, lorsqu'ils s'adressent aux banques ou bien aux investisseurs. Les gens sont très distraits de ce péché, soit de par leur ignorance, soit de par leur suivi aveugle des autres, soit suite aux avis juridiques, aux fatawa, des égarés égareurs parmi les gens de l'innovation et des passions, qu'Allah nous en préserve. Les gens sont distraits de la gravité de ce péché. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a tant mis en garde contre ce péché. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Al-riba fait partie des pires péchés qu'Allah azza wa jalla a proscrit. Et sachez que cette chose a été interdite non seulement dans notre législation, mais également dans la législation des gens du livre et de ceux qui sont passés avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction, et Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure, al-riba. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, les compagnons nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu interdit al-riba. Al-riba par exemple, il y a plusieurs formes de riba. Parmi les formes les plus utilisées de nos jours, le fait que tu te rendes à une personne, auprès d'une personne, et tu lui dis « prête-moi 5000 euros ». Il te dit « d'accord, tu prends deux témoins et vous signez cela. Tu dois lui rendre cette somme dans un an. Et lorsque tu lui rendras cette somme, tu devras lui ajouter 1000 euros par exemple. Ne serait-ce qu'un euro. Donc tu lui empruntes 5000 euros, mais tu lui rends 5100 euros. Voici al-riba. Et tout ce que vous allez entendre comme châtiment, cette personne est visée par cela. Ceci est une forme de riba. Le fait d'emprunter et de rendre avec un ajout, conditionné par celui qui a fait le prêt. Al-riba, l'usure, détruit la vie de la personne, diminue ou enlève la bénédiction de cette personne dans son argent, dans ses biens, dans sa santé, dans ses paroles, dans ses actions, autour de lui, dans sa communauté, dans le pays dans lequel il vivra. Et cette menace n'est pas adressée qu'à celui qui a prêté cet argent, mais également à tous ceux qui se sont entraînés dans ce mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith de Jabir inda Muslim, où Jabir nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Il a maudit celui qui consomme l'usure. Celui qui emprunte avec intérêt ou qui est la cause de cette usure. Le scribe, celui qui a écrit le contrat et le témoin. Ces quatre acteurs de riba sont maudits sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit la'anatullah ala fulan, que signifie cette parole? Cela signifie qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah. Qu'il soit éloigné de la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui en va dans ces termes? Qui est-ce qui nous informe de cela? Celui qui nous a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas avoir du laxisme dans cette affaire. C'est une chose très grave au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui consomment de l'usure, leur but est de faire fructifier leurs biens. Leur but est d'avoir une vie paisible, une grande maison. Et lorsque tu lui dis crains Allah azza wa jalla, économise ou emprunte sans intérêt. Il te dit nous sommes à cette époque, c'est difficile et je vis dans un endroit difficile, je veux vivre une vie paisible, je vais acheter une maison pour éloigner ma famille des quartiers difficiles. Kadhalika yaqulun. C'est ainsi qu'il s'exprime. Ben sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe exactement du contraire de ce que vous prétendez et de ce à quoi vous aspirez dans la désobéissance d'Allah azza wa jalla. Il nous dit, le très véridique sallallahu alayhi wa sallam, sadiqul masduq, personne n'est entré dans l'usure sans que sa finalité ne soit la pauvreté. Personne n'est entré dans l'usure et n'a exagéré dans ce domaine sans que sa finalité ne soit la pauvreté. Il voulait beaucoup, il aura peu. Ceci est l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'augmentation des biens, en réalité, c'est la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal y met. Et Allah ne met pas la baraka dans le haram. Riba, l'usure fait partie des pires péchés qui causent la destruction de la personne dans son bas-monde et dans son au-delà. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, éloignez-vous des sept péchés qui causent la destruction du serviteur. Il lui fut dit, ô messager d'Allah, lesquels sont-ils? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam, le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre, le fait de consommer les biens de l'orphelin, de spolier les biens de l'orphelin, le fait de consommer al-riba, le fait de consommer l'usure, le fait de se sauver le jour du combat, le fait d'accuser les femmes chastes, croyantes et distraites de l'adultère. Le mal de l'usure ne s'arrête pas dans ce bas-monde, mais il suit ses acteurs dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit l'état de ceux qui consommaient l'usure dans ce bas-monde, dans l'au-delà, le jour de la résurrection, le jour où les gens devront rendre des comptes et comparaître devant Allah Azza wa Jal. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui consommait al-riba, celui qui consommait l'usure, le jour de la résurrection, il sera comme la personne qui a perdu la raison. Comme la personne qui a perdu la raison. Il n'arrivera pas à marcher. Al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan Habidahullah Ta'ala nous dit, car son ventre sera alourdi par la consommation de l'usure, il n'arrivera pas à marcher. Et tout le monde le reconnaîtra. Tout le monde saura qu'il a consommé al-riba dans ce bas monde. Il sera dévoilé et humilié le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lit la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction approximative est: il ne se lèvera, si ce n'est comme se lève celui qui a été bouleversé par Shaytan. C'est ainsi que seront ceux qui ont consommé al-riba le jour de la résurrection. Le fait de consommer al-riba est un des signes de la fin du monde, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes loin d'imaginer la gravité et la dangerosité de consommer l'usure. Un hadith nous suffit pour nous ramener à la droiture. Pour celui qui a consommé cela, pour le ramener au repentir. Pour celui qui avait l'intention de contracter ce genre de contrat, pour délaisser et se repentir et remercier Allah Azza wa Jal de l'avoir guidé. Écoutez ce hadith. Abdullah ibn Hanzala radiallahu anhuma nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا un dirham, une pièce d'argent, d'usure, يأكله الرجل, qu'un homme consomme, وهو يعلم, tout en sachant que c'est de l'usure, c'est riba, il fait cela en connaissance de cause, أشد et pire من 36 zaniyatan. Un dirham, une pièce d'argent d'usure que l'homme consomme en connaissance de cause, est pire que de commettre la fornication 36 fois. Et pire que de faire la fornication 36 fois. Ô toi qui vas acheter une maison, ô toi qui vas ouvrir ce commerce avec un riba, médite ce hadith. Médite ce hadith, qui est la parole de tout messager sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, عند الحاكم, الربا 73 باب. الربا comporte 73 branches. Aïsaruha, la plus minime, la plus petite, la moins grave, مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلَ أُمَّهُ. Le caractère le plus minime de la consommation de l'usure est semblable à l'homme qui commet la fornication avec sa propre mère. Qui commet la fornication avec sa propre mère. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَى عرض الرجل المسلم استطالة عرض رجل المسلم. Et la plus grande forme de riba, la pire, est le fait de parler et de rendre licite l'honneur d'un musulman. Subhanallah. Ceux qui parlent sur leur frère, qui mentent sur leur sœur, Voici la gravité de ce péché. Voici la gravité de ce péché, rapporté par l'imam al-Hakim et d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a été pris par deux hommes, probablement deux anges. Et ils lui ont fait voir beaucoup de choses. Ils lui ont fait voir beaucoup de choses. Parmi ceux qui lui ont fait voir, un homme qui nage dans un bassin de sang. Il nage et lorsqu'il arrive au bord, il y a une personne qui s'y tient et qui lui remplit la bouche de bière et qui le rejette dans ce fleuve. Alors il nage à nouveau pour essayer d'atteindre l'autre bord. Arrive à l'autre bord, il y a cette même personne qui s'y tient debout et qui lui remplit la bouche de bière et le rejette à nouveau. Et cela ne s'arrête pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est-il ? Il a répondu celui qui mangeait de l'usure. Celui qui mangeait de l'usure, qu'Allah nous en préserve. Voici mes chers frères la gravité de ce péché. Il nous faut nous repentir et délaisser ce péché. Il nous faut informer nos proches et autres de la gravité de ce péché. Que les gens ont tant minimisé alors que le Coran nous est venu de manière explicite pour nous en avertir et nous mettre en garde contre ce péché. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. C'est ainsi, c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, celui qui ne délaisse pas un riba, après avoir reçu cette exhortation, qu'il s'apprête à recevoir la guerre de la part d'Allah et de son messager. Et qui est-ce qui pourrait déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala? Cela n'a pas été cité pour un autre péché en dessous du shirk et de la mécréance. Fattakullah ya ibadallah. Wa sallu wa sallimu ala rasulina al-karim. Kama amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا رب المسلمين اللهم اشف مرضانا رب المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.